Le musée des timbres de Corée et l'exposition des timbres coréens ont exhibé le timbre coréen le décorant à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Il y a la photo du timbre figurant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et des centaines de timbres sous thème « Le sourire du soleil éternel » et l'histoire du soleil montrant la vie du président Kim Il-sung ainsi que les timbres aux sujets variés exposés par les philatélistes de Pyongyang. L'exposition des timbres aura lieu jusqu'au 20 courant.